Faites chauffer les consoles, démarrez les ordinateurs. Indie 500, c'est parti. Cortolali, bonjour. Bonjour. Antoine Tabourel-Oudéac, bonjour. Bonjour. Di Gobert, Cortolali, tu es directeur créatif et cofondateur du studio Wild Wits. Gobert, tu es directeur artistique sur le jeu qui nous intéresse aujourd'hui, Crown Gambit. C'est développé donc par Wild Wits et publié par Playdigious Originals. C'est sorti le 18 juin 2025. Comment allez-vous les gars? Ça va bien moi. Ça va, ça va. Très content de vous retrouver pour parler de Crown Gambit, un des jeux les plus attendus, en tout cas l'un des jeux français les plus attendus de cette année. On va revenir donc sur Crown Gambit, on va revenir sur votre précédent jeu Aetheris, mais on va surtout revenir pour l'instant sur votre parcours de joueur. On va commencer par Corto. Corto, quel est ton premier coup de cœur de joueur? Alors moi, le jeu dont j'ai eu un vrai coup de cœur, c'est Final Fantasy IX. Je pense que c'est principalement lié, c'est ma Madeleine de Proust. Quand je devais avoir 9 ans, je l'ai fini de A à Z et ça m'a vraiment transporté. Voilà. Pourquoi cet épisode? Je pense que c'est parce que c'est le premier que j'ai fini entièrement et que j'ai suivi entièrement l'histoire. Parce qu'avant, je faisais le 5 et le 6 en anglais, sans comprendre en fait les dialogues ni les compétences. J'étais juste un gamin. Je crois que je ne savais même pas comment sauvegarder. Donc mes sessions, je pouvais pas aller plus de 3 heures de jeu. C'est aussi simple que ça. Okay. Et après, je pense que même avec le temps, ça s'est confirmé parce qu'en termes d'univers, c'est celui qui se passe dans une ère plutôt médiévale, déjà. Et secondement, je trouve que les valeurs et l'histoire qu'il raconte me parlent plus à moi, en fait, parce que c'est vachement accentué sur le développement personnel de chacun des protagonistes plutôt qu'un master plan pour sauver l'univers. Ok. Voilà. Toi, de ton côté, Gobert, le premier coup de cœur que tu as eu? Ouais, moi, j'ai eu des premiers coups de cœur très tôt sur les Pokémon, mais je pense que le vrai gros coup de cœur que j'ai eu au début de ma préadolescence, c'était vraiment Zelda Twilight Princess, qui a été vraiment mon premier jeu où j'ai ressenti le souffle épique de l'aventure, le côté chevaleresque aussi, qui avait cet équilibre que j'aimais beaucoup entre l'humour et le sérieux et qui avait aussi une DA très inspirée, je trouve, et qui a assez bien vieilli malgré tout. Donc c'est vraiment un jeu qui m'a beaucoup marqué dans mon esthétique et dans mes goûts futurs, quoi. C'est un jeu qui t'a vraiment marqué dans cette esthétique là c'est un jeu sur lequel tu, je vais pas dire tu te reposes aujourd'hui, mais c'est un jeu qui t'inspire un petit peu? Ouais, c'est encore, quand je regarde des caras encore aujourd'hui, j'y retrouve beaucoup de choses dont je peux m'inspirer, parce que ça a cet équilibre que les Zelda ont entre un style semi-réaliste et puis des personnages très stylisés et un peu cartoonesques, et ça joue très bien cette ligne entre l'humour et le mystère et l'épique, qui est un truc que j'essaie de retrouver dans les productions que je fais encore aujourd'hui, quoi. Est-ce que c'est un Zelda, le meilleur jeu auquel tu as joué? Non, je pense pas. Je dirais pas que c'est un Zelda le meilleur jeu auquel j'ai joué, même si ça va très haut quand même. Quel est justement ce jeu-là? Pour moi, je dirais que c'est Shadow of Colossus, puisque ça a été la première ouverture vers le jeu vidéo comme porteur d'autre chose qu'être un pur jeu et comme vraiment un moment un peu artistique, poétique. Bon, c'est un peu cliché de le dire, mais c'était vraiment l'ouverture à ça, en fait, et qu'on n'était pas obligé de juste avoir une structure très classique d'aventure, on va dire, un peu bon enfant. Et même encore, la subtilité, encore une fois, visuelle et graphique du jeu, je pense elle est très marquante, et c'est pas pour rien qu'encore aujourd'hui, on retrouve des dizaines, des centaines de jeux indés qui encore se basent sur cette esthétique et sur cet héritage-là, parce que ça a clairement marqué tout un univers, quoi. Corto, toi, de ton côté, le meilleur jeu auquel tu aies joué? Pour moi, le meilleur jeu, ce serait The Last of Us Part 2, pour plein de raisons, mais voilà, c'est vraiment lui le meilleur jeu, le plus abouti auquel j'ai pu jouer. Ok. Pourquoi donc cette histoire, justement, cette dualité entre les protagonistes? Alors, c'est pas la dualité que je trouve vraiment intéressante dans le jeu. En réalité, c'est, en tout cas, ce que j'interprète comme l'intention de The Last of Us Part 2, c'est plutôt créer l'empathie ou chercher à ce que le joueur ait de l'empathie après coup, après avoir vécu ce traumatisme. Alors c'est un peu un spoiler pour ceux qui l'ont pas fait, mais en fait ce qu'ils ont voulu faire avec le moment très clivant et marquant où on prend la peau de Abby, c'est pour nous faire comprendre qu'il y a toujours deux histoires à raconter et que la vérité n'est jamais claire. Et ils le font d'une manière très subtile et ça peut s'appliquer à tellement de choses dans notre vie en fait et dans nos interactions sociales que c'est là où j'ai trouvé le jeu merveilleux. Et d'ailleurs je me méfie de toute personne qui déteste Abby après avoir fini le jeu typiquement, parce que je me dis que c'est soit que la personne est limitée émotionnellement, soit qu'elle est très virulente dans dans ses jugements. Le moment qui a défini ta volonté de travailler dans le jeu vidéo, et là c'est intéressant parce que t'as peu d'expérience dans le jeu vidéo jusqu'à la fondation de Wild Wits. Comment te vient cette volonté de constituer une équipe de développeurs de jeux? Alors je pense que on n'avait pas de volonté de créer un studio ni une équipe avec François. La volonté était de créer des jeux, ce qui est un peu différent, mais on pensait pas qu'on allait finir par faire Crandon Beat où il y avait plus d'une dizaine de personnes à intervenir. Typiquement. Et d'où c'est venu? Alors moi depuis toujours que je suis gamin, je mode beaucoup sur des jeux. Donc j'ai commencé par Warcraft 3, Age of Empire, où je faisais partie de petites équipes qui faisaient les modes de jeu personnalisés, donc comme Dota, les Tower Defense, etc. Après j'ai beaucoup modé sur Darkest Dungeon. Ok. Et de fil en aiguille, Darkest Dungeon et Crandon Beat, on peut voir mon attrait pour les univers... plutôt sombre. Et du coup, pour comment c'est venu, c'est simple, c'est que je pense que j'ai toujours rêvé en tout cas de raconter des histoires ou de participer à la création d'histoires, mais je me suis toujours dit c'est pas possible d'en faire un métier, c'est trop compliqué, et je sais pas pourquoi j'avais cette barrière. Mes expériences pro m'ont fait découvrir que au final il y avait plein de gens qui se lançaient dans l'aventure de leur vie à travers je sais pas x ou y sujet, hein. Les personnes, ça peut être recycler des bouteilles en plastique pour faire des pneus par exemple, mais en tout cas toutes ces personnes avaient des projets fous et s'étaient lancées dedans, et je les ai accompagnés plusieurs de ces personnes au fil de mes aventures professionnelles. Et histoire classique, hein, pendant le Covid je me dis pourquoi pas raconter une histoire à travers un jeu comme j'ai toujours rêvé de le faire. Je l'ai proposé à François, il pensait que c'était une blague, sauf que j'ai démissionné 2 semaines après, et du coup il était obligé de me suivre, parce que sinon il allait me laisser sans travail, sans revenu, seul, dans la rue, et du coup il était coincé. François, lui, il a une expertise sur le jeu vidéo? Alors encore moins que moi, il aime encore moins, enfin il a jamais été hardcore gamer comme moi, parce que moi par contre j'ai passé vraiment énormément de temps sur le jeu vidéo, mais vraiment beaucoup. Pour lui c'était plutôt le lundi soir notre partie Divinity 2 ou de Baldur's Gate ou de For the King en coop, et il aimait bien les jeux vidéo mais sans en être totalement passionné. Et par contre François, lui, ce qu'il adore en fait, c'est fabriquer des choses qui marchent. Ça peut paraître bête, mais et rien de mieux qu'un jeu pour ça, parce qu'en fait il faut fabriquer beaucoup de choses. Il faut beaucoup de choses marchent pour faire un jeu. Et pour que quelque chose marche, pour qu'un studio marche, il faut constituer une équipe. Comment vous avez constitué cette équipe en sachant que vous étiez totalement novice sur le sujet de la création de jeux? Est-ce que c'est difficile de recruter justement avec ce... Alors nous, on a jamais eu de problème à recruter, parce qu'en fait, les gens sont venus à nous un peu naturellement. Si vous voulez, dans l'ordre d'histoire, quand on a créé Wild Wits, très vite, on a eu Nicolas... qui a proposé de nous rejoindre, qui fait du coup la musique, le sound design, mais qui est aussi dev. Nicolas, quand il parle à un de ses potes, qui s'appelle Tristan et qui est encore dans l'équipe aujourd'hui, il venait de finir son master d'animation, il nous rejoint. Une amie à François qui écrivait des romans via la narration, Astrid. Et en fait, de fil en aiguille, comme ça, l'équipe s'est constituée. Et du coup, on a jamais eu de campagne de recrutement pour le 8, c'est que des rencontres à chaque fois. En fait, donc non, on n'a jamais eu de problème à recruter. La seule chose, c'est que du coup, contrairement à l'histoire classique de pas mal de studios, c'est que vu qu'on venait pas du jeu vidéo, on a appris à faire un jeu tous ensemble, tous en même temps. Et je pense qu'il y a eu des qualités, des désavantages à ça. Des qualités parce qu'on venait d'autres milieux professionnels et du coup, on avait peut-être des méthodes de production qui nous ont permis de livrer un premier jeu sans avoir de retard ni quoi que ce soit. Parce que on venait de la tech, on avait vraiment des process bien appris. Et d'autres défauts, typiquement, bah, personne ne savait faire d'Unreal, bah, on est parti sur la 2D sur Godot pour que tout le monde puisse participer dès le début. Et c'est pour ça qu'historiquement, on est tous sur Godot, enfin tous nos jeux sont sur Godot par exemple. Oui, puis vous n'êtes pas forcément dans un écosystème du jeu vidéo français comme pourrait l'être Montpellier, Bordeaux ou Lyon par exemple. Ouais. Oui, complètement. À Rennes, on est très peu de studios. Là, ça commence à. Il y en a des nouveaux qui sont en train d'émerger, mais en tout cas, quand on a lancé la boîte, on était vraiment très peu. Donc en effet, en plus, on n'a pas. Il n'y a pas de plein de personnes qui viennent du jeu vidéo qui vivent à Rennes, tout simplement. Donc il a fallu qu'on se forme nous-mêmes, et on espère que dans 15-20 ans, ce sera peut-être. Ce sera peut-être nous qui formerons les gens. Exactement, ce serait super. Alors vous avez commencé par un premier jeu, Aetheris. Quel est ce jeu? Quel est son concept? Alors Aetheris, c'est un tactical RPG où on incarne des Vazars, c'est des hommes lézards qui doivent fuir une menace en quittant leur village, et ils vont parcourir un lieu inconnu. Et la particularité d'Aetheris, en dehors d'être une sorte de party game tactical, parce que c'est coop jusqu'à 4 joueurs, c'est qu'on est dans un univers onirique, très libre d'interprétation. Ça a été fait par Gax, notre directeur artistique de ce projet, qui a un style très proche de l'aquarelle en ressenti, en fait. Donc, c'était notre première lettre d'intention en tant que jeu, et c'était aussi c'est ce qui a un peu dirigé le studio vers une ligne éditoriale qui est de se baser sur la direction artistique d'illustrateurs qui ont des styles particuliers, et on en fait des jeux plutôt que l'inverse. Ce qui est un peu une erreur pour beaucoup de développeurs et de développeuses, parce que généralement on choisit justement les intentions de gameplay, les mécaniques de jeu avant d'établir une direction artistique. Vous faites l'inverse? Est-ce que c'est pas un peu pénalisant? Alors c'est pas totalement l'inverse, parce qu'en général c'est plutôt conjointement qu'on le fait. Ok. En fait c'est comme ça qu'on le fait, c'est que du coup souvent la personne qui est à l'art est consultée lors de la création du game design, parce qu'en fait du coup on va pouvoir voir les contraintes de nos envies de game design pour la personne qui va faire l'art. Ensemble, on en discute en fait, on trouve des solutions durant le process, donc ça nécessite plus de compromis durant cette phase-là, c'est-à-dire qu'en tant que game designer, on ne balance pas toutes les idées que l'on veut, mais je pense qu'in fine, ça se trouve, c'est des compromis que les gens rencontrent, que nous, on rencontre lors de la conception, que peut-être ils rencontrent durant la prend du coup. Typiquement, bah, on n'a pas consulté nos artistes, on a s'était imaginé que, je sais pas, dans Clair Obscur, ils auraient voulu que pendant 15 secondes, ça passe en temps réel et que tu puisses balader tes personnages comme tu le souhaites. Ça se trouve c'était dans les intentions de game design, j'en sais rien, je donne un exemple au hasard, et ils se rendent compte durant la prod que ça va pas être possible techniquement. Du coup nous, ça nous évite également souvent d'avoir des problèmes de ce genre là où nos espérances ne sont pas brisées, en tout cas par les limites techniques. Du coup, est-ce que le directeur artistique, il a justement un peu aussi cette fonction de réalisateur de jeu finalement? Est-ce que c'est lui qui donne aussi un petit peu la direction des mécaniques de jeu? Je peux commenter là-dessus, parce que effectivement ça c'est un truc que moi j'ai dû travailler sur Crown, mais en fait, le visuel, enfin le jeu vidéo, c'est un médium visuel en fait. C'est très compliqué de jouer au jeu vidéo en étant aveugle, je pense. Et du coup, toute une grande partie du gameplay passe par ces phases visuelles et par les contraintes qu'on a effectivement quand on travaille un jeu, qu'il soit en 3D ou en 2D. Donc oui, en fait, en tant que DA, on est obligé de poser des limites sur certaines choses. On est obligé de peut-être d'orienter vers qu'est-ce qui est le plus pratique au niveau de la représentation, et puis même au niveau du travail de conception d'interface, etc. On a beaucoup d'inputs à donner en fait, parce que c'est impératif d'avoir un regard visuel sur ce qu'on fait quand on est en train de travailler sur ces parties du travail aussi. Donc il s'agit pas juste de peindre, on va dire, de mettre de la couleur par-dessus, il est question quand même de réfléchir à la structure aussi et qu'elle épouse la direction artistique, quoi. C'est intéressant, on reviendra sur Crown Gambit d'ici quelques instants, mais je vais revenir avec Corto, parce que lui est directeur créatif sur Crown Gambit, mais en lisant des interviews, j'ai plutôt l'impression qu'il a davantage le rôle de producteur. Toi, tu interviens finalement au début et à la fin des projets, comme tu le dis dans certaines de tes interviews, Corto. Finalement, tu laisses une liberté créative assez importante, justement, au directeur artistique? Ouais, complètement. Je pense qu'en effet, c'est un peu pompeux de m'appeler directeur créa sur Crown Gambit, parce que je pense que toute l'équipe l'a été. C'est plutôt un travail collectif, donc plus ou moins selon les personnes. Typiquement, Gobert bien plus que la plupart des gens, parce qu'il est là depuis le début et qu'il a imaginé beaucoup de... enfin beaucoup de choses, que ça aille de la narration jusqu'au gameplay. En fait, quand il dessine un paladin, je pense que son cerveau, naturellement, il pense à comment ça pourrait se matérialiser dans ses compétences in-game, quel est son background, pourquoi il a tel détail dans le dessin, etc. Donc, en effet, je ne suis pas du tout... Quand on dit directeur créa, c'est plutôt parce qu'en général, je suis l'impulsion du projet. Mmh. Et je plante les graines dans chacune des personnes pour qu'ils s'approprient après le projet. Et je pense que l'avantage, c'est que tout le monde apporte un peu de soi dans le projet. Le désavantage, c'est que du coup, ça peut des fois rendre un peu plus long les process de décision sur la création. Mmh. Parce que c'est plus facile quand il y a une personne qui dit c'est comme ça et tais-toi que plusieurs personnes qui doivent se mettre d'accord. Mais in fine, quand on arrive au bout du chemin, c'est quand même plus agréable d'avoir tous participé vraiment et avoir pu mettre de soi dans le jeu. Et donc mon rôle au sein du studio, en effet, je pense que en vrai producteur ou studio director, ce serait plutôt, oui, en effet, quelque chose qui m'irait beaucoup mieux si on devait donner un job title sur ce que je fais. Je fais au mieux pour que les gens soient payés à la fin du mois, puissent être dans des bonnes conditions pour travailler, mmh. et que le jeu s'éloigne pas non plus trop de l'idée que je m'en étais fait au départ. Mmh. C'est grosso modo les trois main choses que je fais de mes journées. C'est des leçons que tu as tirées d'Aetheris, le tout premier jeu. Quelles sont les leçons que vous en avez tirées d'ailleurs de ce premier jeu ? Il y en a plein, mais les plus grandes, on va dire, c'était ce qu'on va appeler souvent le scope creep, parce que sur Aetheris, on a fait beaucoup de nouvelles fonctionnalités au dernier moment, beaucoup de shift 5 mois après la sortie, ce qu'on n'a pas fait sur Chrono Gambit. On a fait des ajouts et des modifications en effet, mais beaucoup moins de virages à 180 degrés au dernier moment, ce qui évite des sueurs froides et avoir un plan plus établi. Secondement, on a plus affiné aussi les gens avec qui on aime travailler. C'est bête, mais l'équipe s'est soudée, est devenue plus forte, ce qu'on comprend plus vite. Mm-hmm. Et après, en fait, en dehors des apprentissages, ça nous a juste... On a juste validé qu'on savait faire des jeux et les sortir, ce qui est déjà pas mal dans le jeu vidéo. Et du coup, ça nous a laissé l'occasion d'aller s'améliorer sur des points qu'on avait envie d'améliorer. Typiquement, raconter un grand récit, entre guillemets, avec Random Beat. Parce que Terry, c'est très onirique et mystérieux, et on n'explique pas tant de choses aux joueurs. Et même si nous, on a nos justifications et notre univers, Random Beat, si le joueur le souhaite, il peut découvrir une grande partie de ce qu'on a imaginé dans l'univers. Alors, Crown Gambit, il a été tout d'abord kickstarté. C'est un Kickstarter qui a réussi, mais un Kickstarter qui a réussi à quelques centaines d'euros près. Est-ce que ça a été un succès, ce Kickstarter, même si vous avez réussi votre campagne? Il y a des fois des développeurs qui réduisent quelque peu le Kickstarter pour que celui-ci soit validé plus facilement. Est-ce que c'est toujours un succès d'atteindre de son financement dans le cadre de Crown Gambit? Oui, complètement. Parce que on a des Kickstarters qui... Nos deux Kickstarters, parce qu'on a fait aussi pour Aetheris un Kickstarter. Les deux avaient comme montant 30 000 euros, ce qui est quand même une grosse somme dans les Kickstarters du jeu vidéo. Donc en effet, c'est un soulagement et un grand stress à chaque fois qu'on le fait. Utilité principale, c'est surtout de commencer à créer une communauté autour du jeu, voir si des gens se projettent dans l'univers et dans le style de jeu. Et la deuxième utilité, c'est une sorte de gage de faisabilité, on va dire, que le projet a une cohérence et il existe déjà aux yeux du public pour les autres financeurs, en fait. Mmh. Je sais pas, exemple, je dois convaincre une banque de nous prêter 100 000 euros pour qu'on puisse se payer pendant tant de mois. Je dois convaincre un éditeur de nous publier, donc par exemple avec Playdijus. Ça les permet de se rassurer et se dire « Ok, il y a déjà eu 500 personnes qui, avant même que je sorte, sont prêts à donner de l'argent. » Donc ouais, pour nous, c'est quand même un succès. Si vous voulez une anecdote, je crois que le dernier jour du Kickstarter, on était qu'à 28 000 ou 27 000 sur les 30 000. Et je rappellerai que l'équipe avait demandé aux backers, on a besoin d'une aide, il faut lancer une charge du Rohan. Et il y avait eu une belle réponse de la communauté ce jour-là, ça avait été beau à voir. Même si ça avait été très stressant, parce que Kickstarter, si on fait 29 800, on aurait tout perdu, quoi. Vous auriez fait ce jeu si justement le Kickstarter n'avait pas atteint son objectif ? J'en ai aucune idée. En tout cas, on était clairement en train de le faire. Ça ne nous aurait pas empêché d'avoir envie de le faire. Je ne sais pas si on aurait réussi à le faire financièrement. Si sans le Kickstarter, on aurait réussi à convaincre des financeurs de nous accompagner. Mmh. Et ça, je n'aurais jamais les réponses parce que je ne suis pas à la place de ces gens-là. On va parler de la genèse de Crown Gambit parce que le jeu a été financé, le jeu est sorti depuis quelques jours. Comment s'est passée la genèse de Crown Gambit ? Comment s'est passée ton arrivée, Gobert, au sein justement de l'équipe ? Bah moi je pense que je peux parler facilement de ce côté-là. En fait, moi j'étais artiste freelance, je travaillais beaucoup par Twitter, et c'est par là que Corto est venu me chercher. Et du coup on s'est fait un call très rapidement, parce que moi ça faisait un petit moment que j'avais envie de passer à quelque chose de plus concret que des petites missions freelance par-ci par-là. Et du coup, surtout, quelque chose qui était très important pour moi, c'était de faire un produit qui sorte et pas qui reste, on va dire, bloqué derrière des contrats de non-divulgation pour l'éternité. Et du coup, j'ai dit à Corto, bah écoute, si t'es prêt à faire un projet qui sort, moi je suis prêt à faire ce qu'il faut, en tout cas en matière de visuel sur ton jeu. Et rapidement, on a discuté et on s'est trouvé très en accord sur ce qu'on avait envie de faire, sur nos références et sur la vision qu'on avait du projet. Donc pendant quelques mois, on a un peu polish voilà, la base de l'univers, les idées qu'on avait pour le jeu. Et puis moi j'ai commencé un peu à construire une direction artistique porteuse, on va dire, qui avait du potentiel. Et on s'est lancé au bout de, après 3 mois, on a commencé à se lancer plus concrètement dans le corps du travail, quoi, pour préparer le Kickstarter. Et ouais, ça a été une grosse collaboration entre nous deux, donc c'est pour ça qu'encore aujourd'hui, on est souvent les personnes qui sont interviewées ou en tout cas qui se mettent en avant pour discuter le jeu, pas parce qu'on a forcément tout fait nous-mêmes, hein. C'est bien de le préciser, c'est pas du tout le cas, Totalement. mais parce que on est les personnes qui étaient là depuis le début, et donc on est un peu plus à même de commenter en fait la construction du projet. Et oui, ça a été un travail, bah, pas tant de longue haleine au final pour la pré-prod, puisque justement ça a été basé un peu sur mon univers pour gagner un peu du temps. Et puis ensuite on a rebondi sur des envies qu'on avait pour ce projet en particulier, quoi. Et de là on a développé quelque chose de propre à Crown Gambit, je pense. Tu avais travaillé déjà sur du jeu vidéo? J'avais travaillé pour des boîtes de JV et des gens qui venaient de ce milieu-là. J'avais fait quelques petits travails d'illustration. Mais rien de très concret, j'avais pas vraiment fait encore de beaucoup de concept art, voilà, en fait c'est mon premier vrai gros travail dans le jeu vidéo, quoi. Et c'est un énorme travail, hein. Si vous voulez un ordre d'idée, je sais plus combien de portraits Gobert dessinés, mais c'est de l'ordre de 500 sur 2 ans, Ok. sans compter tous les environnements, tous les UI, etc. C'est un travail titanesque, hein, qui a été abattu. Comment tu l'as choisi, Gobert Corto, pour ce projet Crown Gambit? Est-ce que tu avais déjà une idée préconçue de la direction artistique que tu voulais pour le jeu? Non, en général, je pars pas avec des idées préconçues. Par contre, j'avais un univers préconçu. Alors, si vous voulez vraiment la genèse de Crown Gambit, quand c'était moi tout seul, au début, c'était une sorte de card battle inspiré de Fortales, avec un peu d'histoire, mais surtout des grosses bastons, avec des cartes. Ensuite, c'est devenu Game of Thrones avec The Boys, qui rencontre Berserk, et c'était très trash. Les paladins étaient vraiment tous des enflures complètes, et fallait juste tous les buter, parce qu'on est les trois paladins sympas. Puis, Gobert est arrivé, il m'a dit, ouais, c'est chouette, mais t'es un peu bourrin quand même. Calme-toi, ouais, c'est Ouais, l'univers s'est adouci, et tant mieux, parce qu'on raconte beaucoup plus de choses intéressantes de cette façon. Et alors, moi, je suis quelqu'un de simple, dans le sens. Donc, je cherchais un univers médiéval, j'aime beaucoup Mike Mignola et les animés. Je suis tombé sur Gobert, je me suis dit, c'est stylé ce qu'il fait, il est français, breton, je le contacte. Et c'est comme ça que ça a démarré, du coup, votre Ouais. collaboration. Incroyable. Aussi simplement que ça. Comment a évolué le studio entre Aetheris et Crown Gambit? Justement, Gobert parlait du fait que vous n'étiez pas que deux à travailler sur le projet. Est-ce qu'il y a eu un turnover qui s'occupait, ou au contraire, on est resté sur la même base de personnes que pour Aetheris? Alors, on n'est pas resté totalement sur la même base, parce qu'il y a forcément des personnes qui, pour des raisons personnelles ou d'envie de vie, qui doivent déménager ou qui se rendent compte que le jeu vidéo, c'est pas forcément le secteur de leur rêve, parce que bah, le jeu vidéo, ça paye pas non plus des masses, ça reste stressant. À chaque fois que tu sors un jeu, donc ça, vu qu'on avait que des gens qui ne venaient pas du jeu vidéo, bah, ils découvraient aussi est-ce que c'était fait pour eux ou non. Par contre, en effectif, on n'a pas grossi ni réduit avec le temps. Ce qui est sûr, c'est que la culture de l'entreprise, entre guillemets, on dit souvent ça en jargon pro, la culture d'entreprise, mais en tout cas, le mood du studio a évolué, s'est affiné. On est de plus en plus, on va dire, efficace, et on se comprend beaucoup plus vite entre nous sur comment on va fabriquer un jeu. Je pense que c'est bête, mais plus le temps passe, plus pour nous c'est, entre guillemets, moins long et moins cher de fabriquer un jeu, parce qu'on a des réflexes et un savoir-faire des qui est bien meilleur que, ouais. Qu'à nos débuts. Même si ça reste toujours une sacrée aventure de sortir un jeu, hein, je peux vous le dire. Je pense que même quand on sera à notre 10e jeu, on aura toujours des challenges et des galères à affronter. Et parmi les challenges, il y a l'utilisation du moteur Godot. Mais surtout son évolution entre Aetheris et Crown Gambit, parce que Godot a pris justement en popularité entre les deux jeux. Est-ce que justement vous avez pu compter sur l'évolution du moteur pour vous rendre la tâche plus facile sur Crown Gambit? Alors oui, en plus on était sur une nouvelle version, donc ça a été très chouette en effet pour Crown Gambit, et pour le prochain jeu ce sera encore plus chouette parce que le moteur ne cesse d'évoluer. Mais ce qui est sûr, c'est que c'était un choix très intelligent de la part de François Godot, parce que par contre, vu que le moteur est jeune, par contre, il est plus facile à prendre en main. Il n'y a pas une dette technique de savoir-faire monumentale. Et du coup, non, ça n'a pas été un challenge en réalité, parce qu'on avait très rapidement identifié qu'on voulait faire des jeux 2D, où on allait baser justement, vu que tout l'art est basé sur des personnes qui le dessinent et qui le font concrètement, c'est pas de la modélisation 3D typiquement. En fait, on balaye aussi des contraintes techniques qui viennent sous d'autres façons, mais qui sont comblées par l'humain. Donc c'est très artisanal, en fait. On fabrique des jeux de façon très artisanale chez nous. Et du coup, Godot s'y prête parfaitement. On va revenir sur Crown Gambit. Quel est le concept du jeu? Quel est le principe de cette nouvelle aventure? Le concept du jeu de Crown Gambit, c'était quand même de partir sur un jeu d'aventure, de baston et narratif. Là où évidemment du coup ça a pris une place plus narrative que ce qu'on imaginait, c'est aussi devenu du coup un jeu à choix, je pense qu'on peut le dire. Nous on le présente généralement comme un RPG de tactical card battle, comme on dirait en anglais, et du coup c'est un jeu où on incarne des chevaliers dans une quête de justice peut-être, de rédemption peut-être, ça dépendra on va dire de ce que les joueurs font. Vengeance peut-être de vengeance même. Et qui doivent traverser un royaume sombre et emmêlé d'intrigues politiques et d'intérêts personnels troubles. Et dans lequel l'objectif ce sera bien évidemment de vaincre du coup de nombreux paladins corrompus. En essayant de démêler le vrai du faux et de trouver la voie qui nous convient, en essayant de ne pas se corrompre soi-même. J'aime bien cette dernière phrase, on y reviendra d'ici quelques instants. Ça a été difficile justement de passer d'un jeu, on va dire, très ludique à un jeu beaucoup plus narratif? Ouais, quand même, on s'est rendu compte de pas mal de complexité à baser tout autour de l'histoire, parce qu'il faut encore plus de dialogue au sein de l'équipe, c'est-à-dire que les personnes qui se chargent de rédiger l'histoire ne peuvent pas doivent se tenir au courant des prochaines choses qui vont arriver pour l'équipe art et vice versa, donc ça demande encore beaucoup plus de travail d'étroite collaboration et de, on va dire, de sens humain donc ça c'était une découverte, mais bon, on a un miracle au sein de notre équipe qui s'appelle Astrid, qui est du coup la personne qui a écrit la grande majorité du contenu du jeu, qui fait toujours très attention à bien dialoguer, je pense, avec Gobert, hein. Gobert pourra témoigner, mais ça c'était la première chose. L'autre chose c'était, typiquement, on a rédigé tellement de mots que le jeu est massif, il faut le traduire dans plein de langues, avec tant de mots, ça c'est, on se rend pas compte, mais c'est un vrai challenge. Je pourrais parler encore de plein d'autres difficultés qu'on peut avoir avec des jeux narratifs et aussi larges que Crown Gambit, mais si vous voulez un ordre d'idée, Crown Gambit c'est 180 000 mots, donc c'est un voire deux gros romans à lui tout seul, et secondement c'est 7 fins majeures avec au sein de chaque fin majeure des variantes mineures. Donc je pense qu'en multiple, on doit être sur 60 fins différentes dans le jeu. Et ça, c'est une autre imprévue, du coup, c'est aussi qu'on ne s'attendait pas à ce que c'est des coûts de traduction aussi élevés. Oui, c'est ça. Je viens de le préciser, qu'en fait, c'est aussi une contrainte, finalement, pour les studios dont on n'avait pas encore conscience et dont on aura conscience pour les prochains jeux. Oui, exactement. Ça, on ne savait pas que... On pensait que c'était open bar sur le nombre de mots. Et pour les prochains jeux, on fera attention à ne pas trop écrire. Voilà, parce que quand on reçoit des devis pour traduire 180 000 mots... on transpire un tout petit peu. Ça chiffre vite. Voilà. Comment on pense l'univers pour en écrire ces personnages, justement, tu parlais d'Astrid et tu parlais du lien qu'il y avait avec, avec Gobert. Gobert pourra nous répondre à cette question. C'est toi qui faisais, entre guillemets, le design des personnages et ensuite vous leur donniez, entre guillemets, un rôle dans l'univers. Est-ce qu'on écrit aussi tout un univers qui n'est pas dans le jeu, c'est-à-dire des filiations, des relations que peuvent avoir les personnages entre eux? Après que j'ai un peu établi avec Corton, on va dire, les bases de ce qu'on voulait pour l'univers et qu'on ait construit un petit peu nos intentions. Ensuite il y a eu une grande phase de world building qui est faite par l'équipe narrative et ensuite du coup cette phase de création elle a débouché vers des grands arbres généalogiques, des détails de narration, des grandes familles, etc. Desquels on a pu ressortir des profils de personnages dont on avait envie. Moi j'avais déjà aussi écrit et dessiné des personnages dont j'avais envie de enfin, que j'avais envie de voir dans l'histoire. Et ça a été un peu un travail collaboratif, mais il y a des personnages, on va dire, qui ont plus été suggérés par la narration, par l'équipe narrative, et il y a des personnages qui ont plus été suggérés par mes envies graphiques, etc., selon les besoins. Faut dire qu'on a beaucoup de boss dans le jeu, on a plus d'une trentaine de boss, donc ça nous donne l'espace pour un peu laisser le libre cours à nos envies et à notre imagination sur des concepts intéressants et stylés de design, quoi. Donc il y a des designs qui sont partis du dessin d'abord, et il y en a qui sont partis des besoins narratifs d'abord et qui ont été construits à partir de là. Est-ce difficile d'écrire ces personnages, mais est-ce surtout difficile d'écrire des personnages, on va dire, douteux, dans le sens où ce sont des personnages qui doivent ni être bons ni mauvais? Comment on fait pour contraster justement les deux? Dans l'une des interviews, je crois que c'est Corto qui disait qu'il voulait pas qu'il y ait des happy ending, entre guillemets, dans Crown Gambit. Bah oui, une grande complexité de ça, c'est que c'est très dur de juger dans un univers sombre comme ça si on est sur la bonne note, puisque effectivement on a eu un moment dans la production où on s'est rendu compte que le jeu en fait transpirait quelque chose d'extrêmement cynique, et c'était pas forcément quelque chose qui nous plaisait, parce que je pense que quelque chose de moralement nuancé, ça veut pas forcément dire cynique, ouais. Quelque part, ouais, ouais. On voulait qu'il y ait quand même si ce n'est une forme d'espoir, ou au moins quelque chose pour lesquelles lutter. Et peut-être encore que le jeu paraîtra trop sombre à des gens, je pense que ça peut être le cas. Peut-être qu'il y a des gens qui auraient aimé que ce soit pire. quand tu as comme inspiration Game of Thrones et The Boys, bon. Tout à fait, ça part de là. On est vraiment un Game of Thrones tiers, je pense, en termes de vibe. Oui, on est plus prof de Game of Thrones, je pense, que de The Boys. Du coup, l'important aussi, en tout cas pour moi, là où j'ai beaucoup insisté, c'était pour que les fins du jeu, elles traduisent du coup cette nuance. Et qu'elle ne soit pas juste de multiples bad ends avec une bonne fin secrète. Pour moi, c'était important que les joueurs se sentent validés dans leur choix de fin et qu'il y ait des fins de base du jeu qui soient acceptables pour certains joueurs. Peut-être que même ils aimeront beaucoup. Et que ce soit peut-être un peu subjectif aussi et que chacun ait sa petite fin préférée. Ouais, je pense que c'est très subjectif. Moi, typiquement, j'ai une vraie fin préférée. Je l'assume. Il y en a une qui est, à mon sens, la good ending. J'en parle avec d'autres du studio, c'est pas du tout le même cas pour eux. Pour eux, ils sont pas du tout d'accord avec mon avis. Et eux, ils ont une autre fin qu'ils trouvent bien meilleure, et ce sera ça un peu partout. J'espère que le jeu rencontrera un succès assez important pour que moi je puisse lire des débats autour de ça. Ça, c'est vraiment de mes rêves, mais vraiment, sincèrement. Ça serait vraiment trop bien. Envoyez des mails si jamais vous êtes arrivé à la fin du jeu et que vous ne comprenez pas, ou vous voulez discuter avec les développeurs. N'hésitez pas. Bah tiens, justement, on va rester dans cette histoire de choix, parce qu'il y a quelque chose que Gobert a un tout petit peu, on va dire, évoqué très très rapidement sans en donner le nom, c'est la grâce ancestrale. Grosso modo, on peut faire intervenir les dieux si jamais la situation dans les combats se trouve assez mal embarquée. Est-ce que c'est finalement pas ce qui est le plus dur à écrire, ne pas maîtriser ses choix avec la grâce ancestrale? Parce qu'au bout d'un certain moment, si on utilise trop la grâce ancestrale, on ne peut plus choisir. Oui, effectivement, c'est un des challenges qu'on avait, et c'était une feature à laquelle on était très attaché, parce qu'on la trouvait très intéressante et originale. Et c'était important pour nous aussi que, du coup, chaque personnage a sa propre manière d'être corrompu. Donc nos trois personnages principaux, chacun en fait, ils ont différentes façons d'être corrompus par leur grâce ancestrale, et elles se traduisent différemment. Donc Bon, je pense qu'on peut un peu teaser, mais voilà, Ael, qui est un personnage qui a été élevé dans un milieu très strict, et ben lui, sa corruption, elle a tendance à le rendre un peu plus servile. Ce qui va pas du tout être le cas de Aliza, qui a été élevée dans la noblesse, par exemple. Et du coup, c'était intéressant pour nous que justement, ce choix de faire trois personnages principaux, il ait une valeur qui, du coup, se retrouve dans aussi cette mécanique-là. Et que ce soit pas juste les trois qui ont toujours des options. Qui font écho les unes aux autres, parce que typiquement, c'est ce qu'on avait eu au tout début du jeu. Je me rappelle qu'on avait des choix de réponses de dialogue où on se disait, ben, en fait, ils peuvent tous répondre la même chose, mais avec leur ton à eux, mais il n'y a pas de différence. Et ben, ça, c'est très compliqué, du coup, à jauger. Et ça fait que, aussi, que les joueurs ont tous des opinions très différentes sur chaque personnage principal. Ah, complètement. Puisqu'il y en a qu'on parlait d'Ael, voilà, Ael, typiquement, il y a des gens qui le trouvent insupportable et des bébêtes, et il y a des gens qui l'adorent et qui le trouvent adorable. Okay. Et je pense que ça aussi, c'est une force du jeu et c'est une force de son originalité. Mais oui, c'est clairement un challenge, totalement. Oui, puisqu'il faut rendre ça en plus cohérent vis-à-vis des personnages, vis-à-vis des situations. Et puis, il faut aussi penser à ce que la grâce ancestrale puisse être, entre guillemets, utilisée par le joueur à n'importe quel moment lors d'un combat. Donc, il faut écrire plusieurs, justement, versions. C'est quelque chose de comment dire, de très compliqué à scripter, d'une certaine manière. Oui, totalement. Et puis, ça joue aussi dans la complexité narrative du jeu, qui est déjà un jeu en branchement de base, mais qui en plus a des embranchements qui sont débloquables que par cette grâce ancestrale, ou en tout cas des okay. manières d'accéder à certaines routes. Donc, c'est un sacré nœud, quoi. On va revenir sur le tout premier jeu, Aetheris. Est-ce qu'on retrouve un peu de Aetheris dans Crown Gambit? Je pense que sur l'aspect, en effet, tour par tour et tactical, on a des similitudes et on a gardé de l'acquis. En dehors de ça, en termes de création vidéoludique pure, on est quand même assez éloigné et c'est juste... on a fait quand même un gros virage en passant sur un jeu narratif avec une histoire comme celle de Crown Gambit et Aetheris qui, lui, est plutôt un jeu à système. Donc, en dehors du savoir-faire acquis par tout le monde et la gestion du tour par tour et de tout ce que ça implique, en réalité, on a plutôt pris le. On a fait le choix de partir sur une nouvelle découverte et une nouvelle façon de raconter des histoires, tout de même. Est-ce qu'il y a d'autres inspirations pour Crown Gambit? On a parlé de Game of Thrones, on a parlé de Darkest Dungeon pour un petit peu justement cette inspiration artistique, on y reviendra d'ici quelques instants. Mais est-ce qu'il y a des inspirations un petit peu plus, on va dire, cachées, entre guillemets, un petit peu plus secondaires dans Crown Gambit? Moi, je pense qu'on peut dire qu'il y a pas mal de mes influences qui ont transpiré dans le jeu, et donc j'ai eu mes influences, on va dire, semi-historiques de littérature médiévale, qui ont servi de base pour certains éléments de lore, mais aussi, du coup, beaucoup d'éléments de culture bretonne, puisque c'est une grande partie de l'identité de notre studio. C'est important pour nous que ça soit aussi quelque chose qu'on ressente dans l'univers qui est complètement centré vers quelque chose de marin, et puis qui ressemble un petit peu à la Bretagne, avec le Mont Saint-Michel, qui est breton, bien sûr. Et puis de nombreux autres éléments auxquels on fait allusion, la manière de nommer les personnages, et les petites inspirations historiques et les légendes qu'on a voulu un peu disséminer au milieu du jeu. Donc ça, c'est un peu nos petites refs, ouais. Je viens de me souvenir aussi, au tout début, quand Gobert et moi, nos tout premiers visios, moi, je le citais souvent en ref, et ça te parlait, je crois, c'était les Chevaliers du Zodiac et Fate Apocrypha. Dans le côté affrontement spectaculaire de chevaliers, on avait aussi un peu cette ref. On l'a un peu perdu parce que, justement, comme je disais, le projet de départ, c'était vraiment juste une grosse baston qui pétait la rétine. Mais on avait quand même cette référence, surtout des Chevaliers du Zodiac avec l'escalier à monter. Ah ouais, non, mais complètement. Mais en vrai, c'est vrai que quand on repense au jeu maintenant, il y a vraiment un côté très Chevalier du Zodiac, parce qu'on monte une ville constamment vers laquelle on affronte des chevaliers un peu colorés fréquemment. Et de plus en plus puissants. De plus en plus puissants, et avec des histoires de plus en plus complexes aussi. C'est vrai que c'est un peu SNCR, on n'en reparle pas souvent. Ah oui, mais en vrai, il est là depuis le début. Et pour moi c'est peut-être mon premier animé que j'ai vu à la télé quand j'étais bébé. Enfin, genre, c'est un de mes premiers souvenirs. À 2 ans, ouais. Allez, bam. À 3-4 ans, j'ai souvenir d'avoir vu SNCR à la télé. C'est ma yes. Et ça m'avait marqué, ouais, c'est vrai, ce côté, ces personnages colorés là, et un peu beau garçon aussi. On en parle un peu en rigolant, mais dans une des interviews, il y a vraiment justement un focus qui est fait sur les animés et sur les inspirations au niveau des animés. Qu'est-ce qu'on prend d'eux? Les animés sont quand même, on va dire, assez vous avez le mal et le bien qui sont très très facilement identifié. Là, pour le coup, on est sur quelque chose de beaucoup plus nuancé. Qu'est-ce qu'on prend de ces inspirations-là? Moi, je dirais l'inverse, en vrai. Je trouve que, justement, quand on compare... en particulier, il y a quelques années encore, je pense, il y a 10-20 ans, dans les clichés, on va dire, d'animation américain aussi, le bien et le mal sont vraiment beaucoup plus fortement représentés, et c'est très manichéen, et c'est encore quelque chose de manichéen, représentatif. Manichéen, merci, de... je cherchais le mot. Oui, c'est un truc très représentatif du doujin américain. Moi, je me rappelle justement avoir lu des guides sur comment faire des mangas quand j'étais adolescent, qui disaient que c'était très important que le méchant soit plus cool, plus fort que le héros. Pourquoi? Parce que et c'est un truc qu'on retrouve hein, dans le manga qu'il y a 20 ans comme aujourd'hui, le rival souvent c'est un personnage qui est plus arrogant, plus stylé, plus puissant que le héros. C'est vrai. Et il disait c'était très important parce qu'il faut que le héros il ait quelque chose à conquérir, à conquérir et qu'il ait quelque chose à surmonter. Là où justement un personnage qui est déjà moralement supérieur à son ennemi, bah en fait il a rien à apprendre quoi. Et du coup, je pense que dans notre inspiration du manga, il y a un peu de ça quoi. Il y a ce côté justement avoir des ennemis qu'il faut apprendre à conquérir quoi. Et, bah, et puis même factuellement, on est toujours à 3 contre 1. Ouais, c'est ça, ouais, aussi. Donc, à chaque fois, le paladin qu'on affronte, il est capable de tenir 3 autres paladins. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, in facto, il est plus fort en réalité que. Non, c'est intéressant parce qu'on pourrait croire que c'est un signe de faiblesse, justement. Le fait qu'il soit tout seul contre 3, c'est assez malin comme remarque. Bah oui, c'est ça, et puis ça rebondit ouais, du coup aussi un peu sur le côté Souls-like aussi peut-être, parce que même si ça se ressent pas dans le gameplay, je pense qu'il y a eu aussi cette vibe-là qui s'est infiltrée dans notre DA, parce que c'était une inspiration qui était fraîche quand on a commencé le projet. C'est clair. Et autant au niveau esthétique qu'au niveau ambiance, je pense qu'il y a vraiment un côté intéressant dans les Souls, parce que typiquement c'est ce qu'ils expliquent eux-mêmes, tous les personnages ennemis du jeu, même humains, ils sont grossis un peu plus que le joueur. Justement pour, alors à la fois pour des questions de lisibilité, mais aussi pour donner cette impression de toujours être le David contre un Goliath. Et je pense que c'est aussi quelque chose qu'on peut retrouver dans Crown, en fait, dans cette empreinte-là. La direction artistique, désormais, parce que bah, justement, on va parler de cette chose-là. Comment tu fais, justement, pour faire cohabiter plusieurs styles artistiques, le tien, bien sûr, mais aussi les inspirations qui ont été prises. On parle de Darkest Dungeon, mais il y en a peut-être d'autres. Comment on fait pour créer un tout cohérent? Bah moi, je suis bien sûr parti de mon style, et ça a été la base aussi du projet un petit peu. Ça a été, on va dire, custom made autour de mon style. C'était pour des préoccupations artistiques, parce que c'est l'intérêt de prendre un artiste, je pense que c'est de faire briller ce qu'il fait. Mais c'était aussi dans une préoccupation de pouvoir économiser un peu de pré-prod et pouvoir ne pas passer vraiment un an à devoir chercher un style et essayer d'aller un peu plus vite. Et donc je suis parti du mien et j'ai été apporter mes références, on disait Mignola, donc très important. Cette patte sombre, la masse de noir comme on dit souvent, c'est quelque chose qui est important pour ce style là et qui sert un peu de on va dire de lien à aux briques qui représentent tous les éléments visuels du jeu. C'est vraiment très central. Et puis après il y a les références, comme on disait, manga, les références un peu à Elden Ring, le côté Souls de certains personnages, à Berserk, vraiment à tous ces grands classiques de la Dark Fantasy qui ont lentement formé un tout, Lovecraft aussi. Hellboy de Mignola. Donc d'un point de vue vraiment graphique, c'était quand même beaucoup des appuis que moi j'avais déjà, et puis ça a été se nourrir plutôt de ce qui influençait la narration aussi. Il y a un truc que j'ai remarqué dans la direction artistique de Crown Gambit, c'est le choix des couleurs. En quoi il était important ce choix des couleurs? Est-ce que c'est quelque chose pareil qui tient justement d'une inspiration précise? Peut-être celle de Mike Mignola, parce qu'il y a un petit peu ces références de couleurs, ces référentiels de couleurs dans certaines de ses œuvres. Qu'est-ce que le choix des couleurs nous dit aussi du jeu et des personnages que l'on incarne? Bah évidemment, donc du coup, chaque personnage, il a un peu ses couleurs, et du coup, ses couleurs, elles sont définies par des raisons de lore, des raisons d'univers, c'est-à-dire, on a certaines factions qui ont forcément des couleurs, on a des familles qui ont des couleurs, mais on a aussi différents, on va dire, strates de la société, donc les nobles n'ont pas tout à fait les mêmes palettes de couleurs que les membres du peuple, et le clergé, par exemple, dans Crown, c'est extrêmement blanc, avec des teintes un peu turquoises, etc., tout ça c'est fait pour que les joueurs puissent identifier rapidement à quel genre de faction ils vont prêter allégeance et quels sont les acteurs de cet univers, qui sont nombreux en plus, donc il faut vraiment aider au maximum le joueur à comprendre à quel personnage il parle et dans quel intérêt il fonce. Donc ça c'est on va dire le point de vue conceptuel du jeu. Par contre, sur le point de vue technique, là où les couleurs ont été un peu techniques, c'est qu'on a voulu avoir cette masse de noir. Moi, j'ai voulu que cette masse de noir elle soit légèrement désaturée, un peu grise, pour essayer de donner une patine particulière et pour pouvoir renforcer les couleurs, justement. Puisque un des problèmes du style en masse de noir, c'est que les couleurs sont parfois étouffées. Et pour que ces couleurs soient plus vives, il faut parfois justement atténuer le noir partout. Et ça demande en fait un effort conscient tout le long de la production. Et l'anecdote drôle qu'on aime bien raconter, c'est que du coup, à une époque, on s'est rendu compte qu'on utilisait des assets qui avaient tous des couleurs noires différentes et qui du coup n'avaient pas de cohésion à l'écran. Et pour s'assurer qu'il y ait une cohésion, on s'est fixé sur un code. Et ce code, on l'appelle le code Shakira, puisque c'était le code 1E1E1E. Qui est le code qui ressemble du coup à Lélé Lélé, comme la chanson de Shakira. Et ce code est vraiment resté, et c'était important qu'il soit mémorable, parce que au-delà de la blague, c'était un élément de mémorisation important, et ça nous a permis d'avoir beaucoup moins de travail à recorriger ça plus tard, et ça nous a vraiment aidé pour le coup. Et au final, je trouve que ça a vraiment créé une patine au jeu assez particulière, un côté un peu poster, un peu impression de sérigraphie. Et c'était tout à fait intentionnel, et j'espère que c'est quelque chose que les joueurs apprécieront. Finalement, le noir, c'est un peu la couleur la plus importante de Crown Gambit. Je pense que les couleurs les plus importantes de Crown Gambit, c'est le noir et le rouge, peut-être. Je pense que c'est la couleur du sang, la couleur de Alisa, une de nos personnages principales, mais aussi la couleur du royaume, quoi, quelque part, avec la progression très sanglante de l'aventure. C'est vraiment assez central, ouais. Mais on utilise beaucoup aussi ces trois couleurs, le turquoise, jaune et rouge, qui sont du coup les couleurs de nos trois persos principaux. Et ça aussi, on pourrait dire que c'est la palette de Crown. C'est un peu des proto-couleurs primaires, mais c'est aussi parce que c'est ce qui est présent dans tout l'interface, le jeu et son identité. Et c'est aussi fortement imprégné de ça, quoi. Une dernière question sur Crown Gambit. On a parlé très très vite du folklore breton. Comment il est mis en avant dans le jeu? Et puis je vais faire un parallèle avec un autre jeu qu'on a eu l'occasion de discuter dans Indie 500 avec ses développeuses. C'est Pyrène, qui lui ne parle pas de Bretagne mais du Pays Basque. Est-ce que vous êtes un peu inspiré de la façon dont la façon que les équipes de Pyrène ont justement eu de mettre en place ce folklore en allant par exemple discuter avec des personnes, en allant dans un musée? Donc nous, on a été moins rigoureux, on va dire, sur l'influence bretonne, c'est-à-dire qu'on voulait d'abord créer un monde de fantasy avec ses propres règles et son propre univers, qui avait cette touche qui vient naturellement par nos influences et nos inspirations, mais on n'était pas forcément dans une approche très littérale de recréer une Bretagne claire et nette, surtout qu'on est dans un low fantasy, donc on a assez peu de créatures dans Crown, on en a quelques-unes, mais on est plus allé vers un côté dark fantasy bretonnante avec un petit peu de Lovecraft derrière, et on n'est pas vraiment allé vers une inspiration full celtique comme on aurait pu. Peut-être comme on voudra le faire une autre fois, hein, mais pour l'instant, là, on voulait plus être cohérent avec nos influences avant tout. Mais ça reste quelque chose de quand même présent, et je pense que les Bretons retrouveront leur marque là-dessus, et peut-être les petits clins d'œil qu'on a un peu disséminés, quoi. La suite, désormais, pour Wild Wits, c'est déjà un peu de repos, bien sûr. Est-ce que vous avez déjà quelques petites idées pour un prochain jeu, Corto? Ouais, on en a déjà en cours qui sont en train de se faire. Là, on a déjà des jeux qui sont dans le garage en train d'être travaillés par les équipes, parce que l'industrie fait que il faut qu'on puisse toujours avoir des projets en cours pour au moment où le jeu sorte, on va pas pendant 3 mois regarder des gens y jouer et attendre que ça se passe. Du coup, on a plusieurs projets en cours, certains qui se rapprochent de Crown, je peux pas en dire plus, et d'autres encore des nouvelles façons de raconter des histoires qu'on prépare. Avec moins de texte. Avec moins de texte, ça c'est sûr. On va terminer cette interview par les recommandations. Est-ce que vous avez des jeux que vous voulez présenter aux auditeurs et aux auditrices, pardon, des jeux qui sont sortis, des jeux qui vont sortir, des jeux peut-être développés par des copains de Rennes? Corto, on commence par toi. Alors moi, ce serait plutôt un hommage à Fortales, qui a été quand même l'inspiration, ou en tout cas l'élément déclencheur chez moi pour Chronombeat. Donc Fortales de Alchemy, un studio nantais, donc ils sont pas bretons, mais c'est tout comme, on va dire. Et qui est un très chouette jeu de cartes narratives sous une direction artistique proche des premiers Disney. Donc, par exemple, Robin des Bois de Disney. Moi de mon côté, bah, je suis beaucoup de jeux sur Twitter et c'est vrai que c'est difficile d'en choisir un, mais un de ceux que j'attends le plus, c'est un jeu qui s'appelle, je crois, We Kill Monsters de Glass Revolver, qui est vraiment un nouveau créateur, je pense. C'est un projet qui ressemble à un espèce de mix entre Death Stranding, Dark Souls et Shadow of Colossus, donc beaucoup Ok. de très intéressantes inspirations. Et c'est un univers graphiquement, dans ce qu'on peut voir de visuel déjà, qui me parle beaucoup. C'est mon petit chouchou du moment, on va dire. Cortolali, directeur créatif et cofondateur de Wild Wits, un grand merci à toi. Gobert, directeur artistique de Crown Gambit, un grand merci également de nous avoir parlé de Crown Gambit. C'est développé par Wild Wits, c'est publié par Playdigious Originals, c'est sorti le 18 juin 2025. Est-ce que vous avez un dernier mot à rajouter? Bah, achetez Crown Gambit et mettez des bonnes reviews. Je Bah. rigole, mais non, le seul mot que je pourrais dire, c'est que j'espère vraiment que Crown Gambit trouvera son public et j'ai qu'une hâte, c'est de découvrir les réactions des gens face au jeu. Gobert, toi de ton côté? Bah moi pareil, j'attends avec impatience les insultes des joueurs et leurs compliments aussi, j'espère. J'espère en vrai j'espère vraiment que ça plaira et que ça nous surprendra, parce que c'est vrai que en fait nous on n'a plus une vision très très claire du projet et de ce qu'il est et de quelles sont ses qualités. C'est très dur de voir le bon dans son jeu quand on l'a fini. J'espère que c'est déjà un peu en train de se passer quand on voit les réactions des premiers journalistes et des premiers joueurs. Mais j'espère qu'on va continuer d'être surpris et que ça va vraiment être un sentiment de oui, on a bien fait certaines choses, on a bien fait peut-être beaucoup de choses et un feu vert pour nous dire qu'on va dans la bonne direction en tant que créateur. Je pense que c'est ce qu'on attend le plus. Merci à vous tous, auditeurs et auditrices, d'être restés jusqu'au bout de ce nouvel épisode d'Indie 500. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, bien n'hésitez pas à le partager, évidemment. Vous pouvez retrouver les précédents épisodes sur toutes les plateformes de streaming. Et on se retrouve la semaine prochaine ou dans 2 semaines pour un nouveau tour de piste.